Grâce au régime socialiste axé sur les masses populaires, les centenaires s'accroissent en Corée. Le maréchal Kim Jong-un a fait fêter le centenaire de naissance de Madame Lee Yun-hee, habitante de la première subdivision de la commune de Gwacham de l'arrondissement de Myeongseon de la province du Hamgyong du Nord.